nous suivons les traces du patriarche Jacob, dont le chemin a été jalonné d'expériences fort diverses. Ces expériences portent des noms de géographie biblique: Bethel, Padanaram, Peniel, Sukkot, puis à nouveau Bethel et enfin Bethléem. Chacune de ces étapes a profondément marqué ce serviteur de Dieu de l'Ancien Testament. Or, chacune d'elles est instructive pour nous aussi, car les expériences de Jacob trouvent leur parallèle dans les nôtres. Il peut arriver que le croyant pense avoir atteint un certain sommet dans sa marche chrétienne. Quelle illusion ! Jusqu'au bout de sa carrière, Jacob a dû apprendre de la part de Dieu. Et pour nous, il en sera de même, car si nous sommes à l'école du Seigneur, il aura toujours un enseignement à nous donner, une discipline à nous proposer, ou un examen de maturité à nous faire passer, pour que nous découvrions de nouvelles grâces de sa part. Aujourd'hui, nous retrouvons le patriarche Jacob après sa douloureuse séparation d'avec sa femme Rachel. Il était bien normal, alors, qu'il reporte toute son affection non pas sur Benjamin qui venait de naître, mais sur Joseph, le fils premier-né de Rachel, qui était alors parvenu à l'âge de l'adolescence. Nous lisons Genèse 37, 3 à 4. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus qu'eux tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. La situation se détériora davantage encore. Après que Joseph ait raconté deux songes qu'il avait eus, songes par lesquels Dieu faisait connaître ses plans d'avenir pour la famille de Jacob. La jalousie est une chose terrible. Dans le livre des Proverbes, le roi Salomon écrit: la fureur est cruelle et la colère impétueuse, mais qui résistera devant la jalousie? Proverbe 27, 4. Or, les 10 frères de Joseph étaient jaloux de lui. Aussi, lorsqu'une occasion s'est présentée, ils se sont empressés de mettre la main sur lui. D'abord, ils ont voulu le faire périr. Mais l'un d'eux, Judas, préféra gagner de l'argent en vendant son frère comme esclave à une caravane de Madianites en route pour l'Égypte. Et c'est ainsi qu'à l'âge de 17 ans, Joseph fut déporté à 500 kilomètres de chez lui et qu'il devint l'esclave du chef des gardes de Pharaon. Il faudrait une nouvelle série d'émissions pour étudier en détail la vie de Joseph. Ce sera peut-être pour une autre occasion. Mais revenons à son père Jacob. Lorsque ses fils sont revenus à la maison en rapportant la tunique de Joseph toute tachée de sang, Jacob en a éprouvé une extrême douleur. Ses fils ont tous cherché à le consoler, mais aucun n'y est parvenu. Jacob discernait-il chez eux quelque chose de faux et d'hypocrite? Ne s'était-il pas débarrassé volontairement de leur frère? Puis n'avait-il pas trempé sa tunique dans le sang d'un bouc pour faire croire à Jacob qu'une bête fauve l'avait déchiré? Dans la suprême épreuve de sa carrière, Jacob n'a trouvé aucune affection dans sa famille, aucun soutien humain, aucune compréhension autour de lui. Et cette épreuve dura 22 ans. 22 ans pendant lesquels Jacob porta le deuil de son fils Joseph. 22 ans pendant lesquels ses fils jouèrent la comédie pour lui cacher la vérité. 22 ans pendant lesquels Dieu fut son seul confident. Et c'est étonnant que Dieu ait pris alors une si grande place dans sa vie, au point que, au travers de toute la Bible, nous retrouvons à bien des occasions la mention du « Dieu de Jacob », mention qui en dit long sur la fidélité de celui qui a pris soin du patriarche dans ses années d'adversité. Chers auditeurs, vous avez dans le ciel un Seigneur qui vous comprend, un Dieu qui sait répondre à vos prières, un ami qui voit aussi la profonde douleur de votre cœur. Et si dans votre entourage immédiat, il n'y a ni compréhension, ni affection, vous avez dans le Dieu de Jacob toute la provision d'amour, de fidélité et de compassion dont votre cœur a besoin. Faites-lui confiance et joignez votre voix au cantique entonné par le psalmiste. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Psaume 46, 8. Mais il faut que je me hâte si en quelques minutes je veux dépeindre la fin de la vie du patriarche. Après les 22 ans où la prière de Jacob demeura sans réponse, soudain, une nouvelle extraordinaire a bouleversé le vieillard. Ses fils sont revenus d'Égypte pour la deuxième fois et lui ont annoncé « Joseph vit encore et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. » Genèse 45, 26. Est-il étonnant que Jacob n'ait pas pu croire un message si invraisemblable alors que ses fils lui avaient menti pendant 22 ans? Nous lisons « Le cœur de Jacob resta froid, parce qu'il ne les croyait pas. Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Et Israël dit, « C'est assez. Joseph, mon fils, vit encore. J'irai et je le verrai avant que je meure. » Genèse 45, 26 à 28. Mais Jacob n'a pas quitté le territoire de Canaan sans avoir l'assurance que Dieu le précédait dans ce voyage. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit et il dit « Jacob, Jacob !» Israël répondit « Me voici !» Et Dieu dit « Je suis Dieu, le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là je te ferai devenir une grande nation. Moi-même je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même, je t'en ferai remonter, et Joseph te fermera les yeux. » Genèse 46, 2 à 4. Les dernières années du patriarche ont été des années de joie, de paix, de récompense. Il a vu toute la gloire de Joseph en Égypte, il a vécu dans la meilleure partie du pays, et il est devenu un homme de foi, digne de figurer parmi les héros de la foi cités dans le 11e chapitre de l'Épître aux Hébreux. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. Hébreux 11, 21. C'est à coup sûr aussi par la foi que Jacob a donné l'ordre à Joseph de l'ensevelir en territoire de Canaan. Car Jacob savait fort bien que ses descendants quitteraient l'Égypte et retourneraient en Canaan, la terre promise. Dieu ne lui avait-il pas promis qu'il le précéderait en Égypte et qu'il l'en ferait ensuite remonter? Aussi, le regard de foi de Jacob plongeait-il d'avance vers l'avenir éclatant de la sortie d'Égypte relatée par le livre biblique de l'Exode? J'aimerais terminer ce bref aperçu de la carrière de Jacob en mettant en contraste deux témoignages de ce vieillard. Tout d'abord, rappelons les mots qu'il a prononcés devant Pharaon. Joseph avait introduit son père devant le roi d'Égypte, et celui-ci lui a posé une question sur son âge. Jacob a répondu « Les jours des années de ma vie errante sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais, et ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères. » Genèse 47, 9. Le témoignage que Jacob, le patriarche, rend devant le plus puissant monarque de l'époque est un témoignage plutôt sombre. Non seulement il considère ses jours comme ayant été peu nombreux, mais il les dépeint comme mauvais. Pourquoi cette appréciation négative? Tout ce qui était positif dans la vie de Jacob était de nature spirituelle, et cela, Pharaon n'aurait pas pu le comprendre. Aussi, pourquoi lui en aurait-il parlé? L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 14. Cependant, quand ce même Jacob se trouvera sur son lit de mort et qu'il appellera Joseph à son chevet, il rendra un témoignage fort différent. Pourquoi? Joseph, un croyant dont la maturité spirituelle ne faisait aucun doute, pouvait tout au contraire pleinement saisir les aspects positifs de cette vie mouvementée. Nous lisons Genèse 48, 3. Le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan, et il m'a béni. Je m'arrête sur ces derniers mots. Il m'a béni. Sur le plan humain, on pourrait dire de Jacob que sa vie fut un échec. Effectivement, il a connu davantage de jours de larmes que d'allégresse, et ses épreuves ont été exceptionnellement profondes et nombreuses. Mais au travers de toutes ces expériences, Jacob avait rencontré l'Éternel qui l'avait béni. Or, la bénédiction de Dieu vaut infiniment plus que tout ce que le monde pourrait offrir à l'homme et aux croyants en particulier. Chers amis chrétiens, il peut arriver que les mondains qui vous entourent ne vous comprennent pas dans vos convictions. Peut-être que vous leur faites pitié. À coup sûr, ils ne saisissent pas pourquoi vous vous privez de certaines choses par fidélité à Dieu. Et encore moins, pourquoi vous placez votre espérance dans un avenir utopique à leurs yeux. Mais qu'importe si le monde considère vos jours comme étant peu nombreux et mauvais. Ce qui compte face à l'éternité, c'est qu'au jour de la rencontre avec le Seigneur, vous puissiez affirmer avec conviction « Dieu m'est apparu et il m'a béni ». Pendant toutes ces semaines, nous avons étudié la vie de Jacob. Mon vœu est qu'au travers des expériences variées et profondes que nous avons étudiées ensemble, d'une manière bien succincte, il est vrai, le Seigneur ait pu nous parler, nous rencontrer et nous bénir à notre tour. Alors, comme le patriarche Jacob, le Seigneur nous guidera et nous emploiera afin que notre vie reflète la fidélité et la gloire du Dieu de Jacob. Oh, que le Dieu de Jacob vous bénisse richement !